Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Geneviève Hutin, Christine Goémé, Alban Penaranda, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, avec vous jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Fantomas. Oui, Nuit spéciale Fantomas, et la nuit, c'est l'univers de Fantomas, bien sûr. Alors nous sommes en compagnie non pas de Pierre Souvestre et Marcel Alain, un siècle près cela aurait pu être possible, mais en compagnie de Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux. Alors Loïc Artiaga, bonsoir. Bonsoir Philippe Garbi. Et Mathieu Letourneux, bonsoir aussi. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas les pères littéraires de Fantomas, donc, puisque Pierre Souvestre, lui, est mort au tout début de l'année 1914, Marcel Alain est mort beaucoup plus longtemps après, en 1969, ce sont donc les créateurs, les vrais créateurs de cette célébrissime série de romans, d'aventures et d'horreurs. Mais vous êtes un petit peu les ressusciteurs de Fantomas, même si par définition un être aussi insaisissable et immortel que Fantomas n'a pas besoin d'être ressuscité. Encore, quand même, ça lui arrive dans un des romans, le pendu de Londres. Donc voilà, votre utilité est éprouvée, vous avez ressuscité Fantomas, puisque c'est à vous que l'on doit le bonheur de pouvoir lire, dans une version intégrale, les aventures chez Robert Bouquin, dans la collection Bouquin, de cet être donc insaisissable, méchant, jamais ridicule, mais qui ne manque pas d'humour pourtant. Mathieu Letourneux. Donc il y a un humour assez cruel en effet, qui aime surtout les crimes excentriques. C'est un criminel excentrique qui aime truffer les parfums d'acide, les chaussures de lames de rasoir, empoisonnées avec des fleurs, qui, ma foi, a un sens de la mise en scène et du théâtre, et c'est d'ailleurs souvent dit, c'est un personnage qui ne manque pas d'un sens du spectacle, et à mon avis, d'ailleurs, il correspond bien à cette société de la Belle Époque qui était une société du crime et du spectacle. Oui, et puis en plus, littérairement, c'est Souvestre et Alain ont lu quand même leurs grands aînés, les feuilletonistes, hein, c'est ça. Et donc, c'était quand même aussi très théâtral, les masques, les changements, tout ça. Il y a un héritage, alors il y a une originalité évidemment dans Fantomas, sinon il n'aurait pas 100 ans après cette célébrité qu'on lui connaît encore. Mais quand même, c'est un héritier quoi, de Rocambole, d'autres personnages comme ça ? C'est un héritier de Rocambole et de la tradition née avec Gensu, hein, des Mystères de Paris, et puis donc du Rocambole de Ponson du Terrail. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui quitte l'univers du feuilleton pour basculer du côté de l'univers du roman et de la série de romans, 32 romans quand même. Oui, c'est 32... pas un feuilleton. Hein. Non, c'est pas du feuilleton. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est un personnage qui pousse jusqu'à l'excentricité le feuilleton. Parce que c'est comme si un feuilleton se trouvait dans une logique de surenchère 32 fois de suite. Et donc il faut faire toujours plus, toujours davantage, pire, toujours plus délirant. Et de fait, Fantomas devient une sorte de rocambole démesuré. Quand Rocambole changeait deux fois d'identité, Fantomas change six fois d'identité et ses adversaires changent eux-mêmes six fois d'identité. Et d'un seul coup, il n'y a plus d'identité fixe à force de se déguiser tout le temps. Oui, puisque Fantomas, c'est tout le monde, c'est personne, c'est rien. Mais il faut quand même... Loïc Artiaga, vous, c'est votre héros préféré. Vous êtes arrivé comme ça chez Bouquin un jour en disant « Moi, je voudrais qu'on puisse lire, qu'on puisse faire lire la vraie version de Fantomas ». Moi, j'aimais beaucoup l'idée que finalement, on traite un des grands succès de la Belle Époque comme on aurait traité un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française. C'est assez étonnant de se rendre compte que finalement, ce qui a été le plus lu il y a un siècle est aujourd'hui le moins disponible. Vous avez les versions des chefs-d'œuvre qui, au fur et à mesure des rééditions, s'enrichissent. Et plus on avance, plus on va vers le texte d'origine. Fantomas, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. plus on a avancé dans le siècle, il y a eu quelques rééditions, et plus finalement le texte s'est éloigné de ce qu'il était au départ, et on a perdu tout contact finalement avec cette culture de la Belle Époque. L'idée, c'était surtout ça. Mais pourquoi en fait on a fait des versions comme de même qu'on a pu lire enfant des dans la bibliothèque verte, des versions qui faisaient 100 pages des Trois Mousquetaires, et voilà, là à une époque on s'est dit, dans les années 30, 50, 60, on s'est dit on va faire du Fantômas, mais en version non pas expurgée, parce qu'il n'y a rien à expurger, mais en version très, très mince. En version plus light, tout simplement parce que ce sont des textes à qui l'on n'attribue pas les mêmes qualités littéraires. Ce sont les qualités plastiques de Fantômas. On a parlé de celles du personnage, mais celles du récit le sont tout autant. C'est un roman populaire, donc on peut piocher à l'intérieur, reprendre le meilleur et l'ajuster à ce que l'on pense être l'esprit du temps. Autrement dit, dans les années 30, on a besoin de récits un peu plus resserrés, plus courts, de faire allusion à l'imaginaire de la photo ou du cinéma, donc on change aussi les couvertures. Il faut aussi dire que Marcel Alain lui-même, le survivant du duo, n'avait aucune prétention à tenir bon sur son texte d'origine, que lui-même connaissait finalement assez mal, on s'en rend compte quelques décennies plus tard. Lui, il avait la vocation à vendre, revendre, revendre encore, permettre à son œuvre d'être adaptée, mais il n'avait pas la sensation de porter une œuvre géniale, quoi. Pourtant, il était très très pointilleux sur ce qu'on faisait de son œuvre, les traductions, le cinéma, et voilà, il était quand même attentif. Mathieu Letourneux. Non, c'est... alors là, Letourneux fait signe à qui est Juve, qui est Fandor dans le couple d'éditeurs, ou peut-être vous êtes tous les deux Fantômas d'ailleurs. Alors. Vous ne saurez jamais. L'identité va tourner en permanence dans cette émission. Bon. Ça va être horrible pour vous et pour les auditeurs. Marcel Alain avait essentiellement le souci de ce qu'allaient lui rapporter les rééditions et les adaptations au cinéma ou au théâtre. Ça a commencé très tôt, par Feuillade, évidemment. Exactement. La qualité du texte ou de l'adaptation, c'était vraiment une question secondaire. Il fallait juste que les contrats arrivent à temps, mais il ne relisait rien. Parfois, il faisait réécrire par d'autres. Et la vraie question était celle de tenir les tempos des éditeurs ou ceux de l'industrie cinématographique. Puisqu'évidemment, si Fantômas a perduré tout au long du XXe siècle, c'est moins grâce au roman qu'aux adaptations cinématographiques qui ont à chaque fois réactualisé et remis le personnage sur le devant de la scène. En tout cas, pour un public populaire. Alors, les deux volumes qui sont déjà parus dans la collection bouquins, donc, sont composés de... Eh bien, ça donne huit romans. Alors, Fantômas, Juve contre Fantômas, Le mort qui tue, L'agent secret, Un roi prisonnier de Fantômas, Le policier apache, Le pendu de Londres, et puis La fille de Fantômas. Alors, il faudrait citer aussi tous les titres de chapitres, parce qu'ils sont... Je comprends qu'ils aient plu aux surréalistes. Oui, ce sens de la formule, vous en avez d'autres, le magistrat cambrioleur, pardon, le fiacre de nuit, etc. Il y a des oxymores, voilà. Il y a des choses. Le policier apache, un apache, c'est pas un indien, c'est un gangster, un voyou. On est dans cette logique, en effet, des oxymores, on est dans cette logique de l'excès, du changement d'identité. Un magistrat cambrioleur, c'est déjà un changement d'identité. Un policier apache, c'est déjà un changement d'identité. Et évidemment, dans le texte, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Fantômas a pris l'identité de quelqu'un d'autre. Donc on est dans cette logique du slogan, du coup médiatique, en un sens, d'auteurs qui savent bien comment accrocher le lecteur, comment le conduire à acheter un roman par mois, puisque oui, les romans... Roman voilà, écrire un roman par mois, il faut le faire. Ils sont deux, mais... Même à deux, je vous garantis que ça n'est pas facile. Est-ce qu'il comment ça se passait alors, cette écriture? On le sait? Oui, on sait. Marcel Alain en parle dans une des émissions qu'on va entendre, mais dites-nous quand même. Ça, c'est une chose intéressante, parce que Marcel Alain, qui s'est fait complaisamment interviewer au lendemain, après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60, disait qu'il avait enregistré, dicté ses Fantômas avec Pierre Souvestre. Et tout le monde disait, c'est impossible, tout le monde disait, Marcel Alain est un fabulateur. Et c'était l'idée commune. Et puis en fait, en cherchant dans les archives des héritiers de Marcel Alain, on a retrouvé la machine à enregistrer, donc d'avant la Première Guerre mondiale, les rouleaux de cire sur lesquels Marcel Alain enregistrait. Et donc on se rend compte, en effet, que Souvestre et Alain dictaient Fantômas sur des rouleaux de cire, que des dactylos reproduisaient. Et si vous voulez... Mais là, ça resservait et on a passé à l'INA. Et oui, voilà. On a encore les rouleaux de cire. On en a quelques-uns qui proposent des bouts de Fantômas, mais pas des 32 premiers, des Fantômas que Marcel Alain a écrit ou dicté beaucoup plus tard. Mmh. Mais oui, on pouvait réenregistrer sur les rouleaux de cire. Mais il y a une chose qui est très intéressante pour les rouleaux de cire, c'est que, un, quand vous dictez, au jour le jour, pour faire un roman par mois, vous êtes dans l'actualité. Et donc, il y a, malgré le caractère délirant des fantomas, il y a une vraie logique d'actualité et d'authenticité de l'époque. C'est-à-dire qu'on a un sentiment d'être à la belle époque quand on lit les fantomas, même si c'est délirant, même si ça raconte n'importe quoi. Et c'est ce qu'avait montré Apollinaire, hein, en disant « ça sera un document pour le futur et c'est écrit n'importe comment ». Les deux éléments s'associent parfaitement pour définir fantomas. Donc quand on dicte, on est très proche de l'actualité et du monde. Et ensuite, un fait divers. D'ailleurs, ils avaient une armoire à trucs là, qui découpaient comme ça les articles des journaux, et puis et ça peut servir. Voilà. Ça servait trois mois après. Alors, ça n'était pas en réalité une armoire. C'est eux qui avaient appelé ça l'armoire aux trucs. En fait, c'était un gros dossier, et c'est tout à fait passionnant parce que ça montre que précisément l'exactitude documentaire de la présentation des crimes du monde ne contredit pas le fait que tout soit délirant. Autrement dit, les crimes délirants de Fantomas s'appuient sur des faits divers authentiques. Bah, le Titanic, c'est quelque chose de délirant, cela dit. Voilà. Donc finalement, qu'il y a un naufrage dans le 32e volume Dans le 32e. Oui, enfin, volume. C'est normal. Que soudain, mais quand je disais au début que Fantomas avait un petit peu d'humour, je trouve qu'il, par exemple, un jour, il libère les fous d'un asile en région parisienne et puis il les lâche dans tous les ministères. Absolument. C'est quand même. Alors, je comprends que les surréalistes soient intéressés à Fantomas. Oui, on comprend que ça. Que ça plaise aux surréalistes. On comprend aussi ce qui va se nouer entre le lectorat de la Belle Époque et Souvestre et Alain, finalement. Hein. Proposer une version sans arrêt délirante, décalée de l'actualité. On comprend aussi pourquoi il a été si difficile de faire ressurgir Fantomas, parce que c'est tellement en prise avec le moment, finalement, hein, où les livres sortent. On voit très bien comment l'ironie pour un lecteur des années 1911, 1912, 1913, avoir le personnage de un ministre tourné en ridicule, avoir le chef de la police tourné en ridicule, avoir rejoué à l'envers des scènes célèbres de la bande à Bono. On voit bien comment, effectivement, Fantomas est un personnage qui a beaucoup d'humour, mais on voit comment chez le lecteur ça peut aussi susciter des formes d'ironie par rapport au flot d'actualité de l'époque. Faut jamais oublier qu'on est en plein âge du papier. Il y a 10 millions de journaux qui sortent à l'époque chaque jour en France, 10 millions d'exemplaires. Donc le lecteur est aussi un lecteur saturé d'actualité, en fait. Hein. Le lecteur de Fantomas est aussi quelqu'un qui est en prise en permanence avec les journaux et qui a pu, à d'autres moments, lire ces fameux faits divers qui seront ensuite déformés par Fantomas. Et bien en plus, en ne sortant pas en feuilleton, ne paraissant pas en feuilleton dans un premier temps, comme c'était quand même le cas de beaucoup quoi, des romans, le choix, c'est peut-être de dire bon ben voilà, nous on est un petit peu hors actualité, mais on fait signe, on fait clin d'œil à l'actualité et on est quand même dans quelque chose de plus sérieux, même si c'est du fantastique. Je pense pas que Souvestre et Alain avaient un sentiment de sérieux. Je crois au contraire que finalement beaucoup de feuilletonistes se prenaient plus au sérieux que Souvestre et Alain, qui, ma foi, sont vraiment ont quelque chose des ouvriers de l'écriture, hein, qui travaillent vite, qui n'ont pas de scrupules, qui n'hésitent pas à bricoler des coups de théâtre, des péripéties farfelues. Ça n'est pas un problème. Donc, ils ne se prennent pas au sérieux. En revanche, l'écart par rapport au roman feuilleton donne à ces livres un caractère de nouveauté et de modernité que n'avait plus le roman feuilleton à l'époque. Et ça, c'est un des éléments qui a frappé les avant-gardes. C'est-à-dire que pour les avant-gardes, puis pour les surréalistes, Fantomas, c'est la modernité, c'est l'entrée dans le XXe siècle. Et le fait que 2 ans plus tard, ça ait été adapté au cinéma, radicalise encore cette modernité. Je crois qu'on ne prend pas la mesure de la nouveauté radicale d'une série à personnages récurrents. Il n'y en avait pas en France, en tout cas pas des Françaises à cette époque, une série à personnages récurrents, avec un criminel qui revient à chaque fois, tous les mois, avec une campagne d'affichage, un personnage qui n'a pas de visage mais qui est néanmoins affiché partout. Imaginez, c'est un choc pour une époque qui n'a pas, comme nous, l'habitude des coups médiatiques, en tout cas pas de la même façon, pas avec une telle efficacité. Donc je pense qu'il faut bien voir que probablement Fantomas est une des grandes œuvres de la modernité médiatique du début du XXe siècle. Alors Artem Fayard, qui était leur éditeur, avait en effet a inventé à sa façon Fantomas, puisqu'il est allé chercher les deux auteurs. Moi, ce qui m'a frappé en lisant, et en fait en lisant pour la première fois en intégrale grâce à vous, Loïc Artiaga et Mathieu Le Tourneux, c'est 8 romans dans les deux premiers tomes de la collection bouquins, c'est que Fantômas prend son temps pour naître. C'est-à-dire que dans les 3 premiers romans, c'est une promesse de Fantômas, mais il flotte comme ça, mais il n'est pas encore là. Avant qu'il parle, parce que Fantômas c'est personne, c'est tout le monde et c'est rien, certes, mais quand même, Fantômas c'est le héros de 32 romans. Donc. Absolument, il ne faut pas oublier que la commande d'Artem Fayard, c'était une commande de romans policiers. Même si c'est Fantômas qui donne son nom à la série, les personnages principaux devaient être au début autant Juve et Fandor que Fantômas. Et au début, on voit surtout Juve et Fandor. On voit surtout ceux qui sont appelés à résoudre les énigmes, les crimes et à poursuivre Fantômas. Et puis progressivement, la part de fascination de ce personnage qui se met à exister en son nom propre, à parler de lui-même, à multiplier les crimes, il y a une montée en puissance du personnage de Fantômas qui s'impose au récit, qui s'impose à la série, et on le voit de façon de plus en plus frappante. C'est lui, désormais, l'acteur principal. Faut dire que c'est quand même lui qui est le mal est plus intéressant, a priori, quoi. Donc, non ? Bien sûr, je le pense aussi, enfin à titre personnel. La preuve, c'est que vous deux, Loïc Artiaga et Mathieu Le Tourneux, vous avez publié Fantômas, avec un point d'exclamation et un accent circonflexe sur le O, ce qui est logique, mais plus tard, il n'y aura plus d'accent circonflexe sur le O, on verra pourquoi, dans une biographie d'un criminel imaginaire, c'est édité aux Prairies Ordinaires. Alors vous êtes intéressé à un personnage qui n'est personne, qui n'est rien, qui est tout, c'était complexe. Oui, c'était complexe. En même temps, c'était capter un air du temps. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque apparaissent d'autres personnages identiques. Je pense au docteur Fu Manchu, par exemple. Moins connu, le docteur Garay Lama, qui a un grand succès dans le cinéma des années 1914-1915. Autrement dit, on a l'impression que finalement, à la fois la culture médiatique est assez mûre, mais qu'en même temps, l'état de l'Europe à ce moment-là, l'état économique, toutes ces richesses qui sont accumulées, n'attendent qu'un personnage qui soit là pour à la fois jouir du monde, c'est un jouisseur aussi, Fantômas, et qui puisse venir piocher dans ces richesses et dans cette modernité qui est là, venir casser finalement les jouets de la modernité. Il joue avec tout ça finalement. Fantômas. On verra donc au cours de cette nuit spéciale Fantômas sur France Culture, puisqu'il y aura une adaptation donc du premier roman, Fantômas, le génie du crime, c'est une adaptation de Xavier Mauméjean, réalisation de Jean-Mathieu Zand, puis le bureau des rêves perdus, les rêves perdus de Marcel Alain, une émission de Louis Mollion qui avait été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne en 1956, puis la complainte de Fantômas de Robert Desnos, dans une version donc de 1956 également. Et puis il y aura Michel Simon qui nous parlera de Louis Feuillade, Studio Danse Fantômas par Laurent Goumard, et puis une autre adaptation, alors ça du dernier roman, donc on choisit le premier roman et puis le dernier roman, La fin de Fantômas, c'est une adaptation qui date de 1984. Mais on verra donc ce Fantômas qui en effet est le génie du crime, de la méchanceté et du travestissement, qui a de l'humour me semble-t-il, mais autant il peut voler 150 lingots d'or, autant il peut passer 3 heures à épier quelqu'un pour lui voler une petite bague. Enfin, c'est étrange hein, quand même. Il est inégal dans son choix, dans ses vols. Il est inégal et en même temps, il y a aussi l'idée que le mal peut se glisser absolument partout et derrière tout le monde. Ah oui, non, vous y voyez pas. Non, c'est ça. Oui, mais quand même. Écoutez, quand on est Fantômas, qu'on est chef de bande, parce qu'il y a quand même aussi les Apaches là, dans des endroits absolument reculés de Paris, épouvantables où personne n'ose entrer. En tout cas, le 19e, le 20e, les Halles, le 12e, tout ça. Enfin, vraiment, on sent que la France a peur à ce moment-là. Eh bien, il est aussi. Il se déguise en concierge. C'est une concierge vers l'étoile, je crois, non? Voilà, enfin, dans le 17e, enfin bref. Il est médecin, il a tellement d'identité, il s'amuse. Le mal, c'est un détail de sa vie, non? L'essentiel, c'est de travestir. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que les Américains Oui, les Américains ont traduit Fantomas et qu'ils ont eu la même réaction que vous en disant ce juve dont tout le monde dit que c'est le plus grand policier du monde et Fantomas le plus grand criminel, ils ont quand même l'air un petit peu idiots tous les deux parce que Juve ne voit jamais rien, ne comprend jamais que la personne en face de lui est Fantomas, etc. Sinon, il n'y aurait pas eu 32 romans. Voilà. Et donc, ils avaient le même étonnement sur l'absence de logique. Mais en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas que Fantomas, précisément, c'est un collage de tous les récits criminels de l'époque. Donc il est à la fois, en effet, un apache. Et donc les apaches, qu'est-ce que ça fait? Ça poignarde quelqu'un dans la rue pour lui voler son porte-monnaie. Mmh. Et puis c'est aussi un banquier. Et donc un banquier, qu'est-ce que ça fait? Ça vole l'argent d'une banque dans sa totalité. Mmh. Donc il est tout à la fois. Et étant tout à la fois, il faut qu'il soit à la fois un pickpocket et un criminel international. Et puis il faut aussi qu'il y ait une femme, un personnage féminin récurrent. Alors c'est Lady Beltham. Qu'en pensez-vous, Loïc Artiaga, de cette... femme, est-ce qu'elle ressemble à l'épouse de Pierre Souvestre? On peut... Que plus tard, Marcel Alain a épousé, du reste. C'est en tout cas comme belle ça... Belle suite littéraire, quand même. Oui. belle suite belle aussi dans la gestion d'un capital éditorial. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, que les deux auteurs l'ont raconté. Ils s'inspirent beaucoup de leur environnement. On retrouve à la fois, peut-être derrière chacun d'entre eux, parfois Fantomas, parfois Juve, parfois Fandor, parfois Lady Beltham. Mais quand on regarde aussi leur périmètre très proche, on retrouve des noms de rue qui deviennent des noms de personnages. Donc finalement, assez rapidement, leur propre quotidien est absorbé par cette machine infernale, ce un roman par mois. Et donc oui, Lady Beltham, a priori, c'est Henriette Kissler qui joue un rôle sans doute un peu plus important qu'on ne l'a pensé jusqu'à présent, puisqu'elle est très liée à certains réseaux artistiques. Elle semble relire Les Fantomas, c'est sans doute la seule en fait qui relie l'ensemble de ses œuvres qu'elle fait relier d'ailleurs. Relier, destin incroyable pour des fictions populaires. Donc oui, il y a cette figure féminine qui semble importante. Elle ne relie pas tout parce que j'ai vu qu'à un moment donné, à propos de la baronne de Vibray, elle a 25 ans, je crois, et puis quelques centaines de pages plus tard, on parle d'elle 5 ans après. Ça se passe en disant cette pauvre vieille baronne. Enfin, oui, bon. Certains personnages changent aussi de nationalité, d'un volume à l'autre. Puisque tout le monde se travestit, après tout, la réalité peut évoluer au fur et à mesure des... Et Fantomas est toujours quelqu'un, parfois deux personnes, jamais lui-même. Mais il est rarement deux personnes, il est 10 personnes, 15 personnes. Oui, c'est ce qui fait le caractère passionnant de la série, quand on la lit vraiment dans sa totalité. C'est qu'on voit bien que l'enjeu n'est ni de décrire le monde, ni de proposer une histoire construite. L'enjeu est de charrier de l'imaginaire, de brasser du fantasme. Et donc, les personnages, en effet, tout se transforme, tout s'amalgame, mais en même temps, tout fait sens, parce que ce qui est produit... C'est une image de la réalité, mais de la réalité fantasmatique, de notre inconscient, ou en tout cas de notre inconscient lorsqu'on vit à la Belle Époque. Mmh. À la Belle Époque à laquelle, les bandits aiment bien vivre, ils aiment bien vivre en France. Alors heureux comme Dieu ou le diable ou les bandits en France, c'est ça? Ça veut dire quoi? Que c'était le crime était impuni à cette époque-là? Non, je crois qu'il y a l'idée d'abord de situer pour Souvestre et Alain la fiction dans un univers qu'ils connaissent très bien, mais en même temps, il ne faut pas se tromper, quand on lit ces Fantomas dans le détail, et effectivement en étalant l'ensemble des volumes, on est très surpris de voir que Fantomas voyage énormément, très vite. Pierre Souvestre a vécu en Angleterre, 5e volume, les personnages sont téléportés de l'autre côté de la Manche, ils vont vivre des aventures anglaises, on les retrouve en Belgique, on les trouve en Russie, et tout ça va donner finalement... Une amplitude beaucoup plus large qu'on l'imaginait au personnage, qui va aussi connaître un succès dans beaucoup plus de pays qu'on l'imaginait. On a souvent présenté Fantomas comme le succès français parisien de la Belle Époque. C'est vrai en partie, on retrouve tout le Paris de la Belle Époque finalement, beaucoup de personnages des nuits parisiennes qui sont présents dans les Fantomas, mais en même temps, très vite, quand on parle de Fantomas chez Souvestre et Alain, c'est Fantomas qui veut régner sur le monde et il est étonnant de voir que très vite il est adapté au théâtre, qu'il est adapté au cinéma, qu'il est adapté aussi par des traductions dans presque l'ensemble des pays européens. C'est un succès mondial en fait. Mais c'est ce qu'on voit dans votre essai, Fantomas, biographie d'un criminel imaginaire, parce qu'on voit aussi des traductions imparfaites, des adaptations qui irritent Marcel Alain. ce qu'on voit également, c'est qu'on peut détourner. Ça, on a, tout de suite, ça a été détourné. Enfin, c'est le principe des pastiches. Il y a eu des faux Fantômas, non? Oui, il y a toute une série de faux Fantômas, de pastiches de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Il y en a un qu'on aimerait bien publier dans un des volumes, qui est un pastiche à mourir de rire, avec des notes en bas de page, des réactions de personnages. Mais en réalité, il n'y a même pas besoin de pasticher c'est Fantômas. Déjà un pastiche. C'est déjà de la parodie de soi-même. Sur ce que vous disiez du criminel en France, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on est dans un vaste débat sur la peine de mort. Et donc, à cette époque, on est obsédé. Ça rappelle quelque chose aujourd'hui. Ça a commencé déjà avec Clémenceau au début du siècle. Voilà. Mais c'est le grand moment où la peine de mort vient d'être... Elle n'avait pas été abandonnée, mais elle n'était plus pratiquée. Il vient d'avoir une série d'exécutions et c'est un débat majeur. Et donc, les criminels sont partout parce qu'on ne parle que de ça, comme aujourd'hui. En réalité, on parle des criminels partout et donc on a l'impression qu'ils sont partout. Alors, peine capitale, on s'en apercevra très vite dans cette nuit spéciale Fantômas, puisque l'on va entendre dans un instant Fantômas, le génie du crime. Et là, il y a une exécution capitale qui n'est peut-être pas la bonne, mais enfin bon, voilà, il faut que nos auditeurs écoutent si jamais ils ne connaissent pas Fantômas, mais qu'ils écoutent encore plus s'ils connaissent et s'ils ont lu les romans dans votre édition de collection bouquin. Donc, Fantômas, le génie du crime, puis le bureau des rêves perdus de Marcel Alain, Soirée de Paris, la complainte de Fantômas de Robert Desnos, et on se retrouvera aux alentours de 2h50 pour évoquer la suite de cette programmation spéciale Fantômas.